Niko nalamukia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus Christ. Niko nalamukia tena banduku bale wanatufuata ku internet. Je salue également des frères qui nous suivent en ligne. Tuko napikia tena Mungu asante kutukaburia siku ya leo. Nous remercions notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Kisha kupitisha juma mzima. Après avoir traversé toute une semaine. Mungu anaongeza tena kwa masiku yetu ya kuishi pa hii dunia. Dieu nous a ajouté encore le nombre de jours. Na anaruhusu siku ya leo tupate kupatikana mwi chumba. Il a permis que pour aujourd'hui qu'on se retrouve ici. Kila wakati milango ya kanisa iko nafunguka. Chaque fois que les portes de l'église s'ouvrent. Kuko paka sababu ile Mungu iko naichikia bikuye vile. Il y a toujours une raison pour laquelle. C'est de cette façon que moi je conçois les choses. Maisha ya mwanadamu pa hii dunia. Parce que la vie de tout homme sur la terre. Iko na ma surprise ya mingi. Il nous réserve beaucoup de surprises. Mais kama Mungu anakupatia wakati awe kukusanyika. Mais si Dieu vous accorde le temps de pouvoir venir ici l'adorer. Ushwaje kusema ni kwa bula senjo vile binekalaka. Ne crois pas que c'est en vain, que c'est ainsi, que ça a toujours été. Parce qu'il y aura un jour que tu écouteras le dernier sermon pour toi, que tu n'écouteras plus jamais. Pendant les jours que Dieu nous a lotis pour vivre, nous devons profiter de ces jours. Parce qu'il y a un jour que ces jours vont s'arrêter. Pour honorer la parole de Dieu, vous allez vous tenir debout. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1. Je prends son 6e et 7e verset. Ensuite, je prendrai 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire seulement le verset 20. Tunaanzia mbele mu 1 Jean chapitre yake 1 verset yake 6 ya 7. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari ya 6 na 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Kama tukisema ya kwamba tuko katika ushirika pamoja naye. Et que nous marchons dans les ténèbres. Na kama tukinatembea katika magiza. Nous mentons. Pale tunasema uongo. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Na pale atutumie ukweli. Mais si nous marchons dans la lumière. Lakini kama tukitembea katika nuru. Comme il est lui-même dans la lumière. Sawa vile yeye mwenyewe eko nuru. Nous sommes mutuellement en communion. Pale tuko katika ushirika ya umoja. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Na damu ya Yesu mwana wake na tutakasa na kutoka zambi zote. De Corinthiens chapitre yake 5. Wa Korinto wa pili sura ya 5. Niko nasoma paka mstari moja ile ya 12. Nous allons lire seulement les versets 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Tukunafanya basi kazi ya wabalozi kwa ajili ya Kristo. Comme si Dieu exhortait par nous. Sawa vile Mungu yuko nasubutisha kupitia sisi. Nous vous en supplions au nom de Christ. Tunamisi mujina la Kristo. Soyez réconciliés avec Dieu. Mupate kupatanishwa na Mungu. Mungu Baba aliye juu mbinguni. Notre Dieu qui est au ciel. Tunakupigia tena asante juu ya siku ya leo. Nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui. Kuishi hivi na hii bujima haina bukalamushi. Être en vie ce n'est pas par notre souplesse. Haina juu tuko en bonne santé. Ce n'est pas parce que tuko mwa afya njema. Kama tuko leo bajima ni neema. Si aujourd'hui nous sommes vivants c'est par ta grâce. Uitikie Seigneur Jésus-Christ kushuka. Accepte Seigneur Jésus-Christ de pouvoir descendre. Tu n'as jamais réuni les gens sans pour autant leur dire quoi que ce soit. Nous n'avons pas laissé nos maisons pour faire le tourisme ici. Mais si nous sommes venus ici, c'est pour te croiser, toi Dieu. Et pitié de nous pour tout ce que nous avons fait qui était en dehors de ta volonté. Si nous venons en Bwana, c'est parce que nous ne sommes pas corrects. Toi Dieu qui est parfait, puisses-tu nous aider yako, au travers de ta parole, que nous devenions aussi parfaits. Nous venons de lire ta parole. Tout homme qui a étudié peut aussi lire. Yako, mais nous invitons ton esprit qu'il descende pour parler. Mtu kama anasema, parce, si l'homme parlait, il va semer la mort. Unasema, mais si toi Dieu, tu parles, ça va apporter la vie. Fais-le ce soir pour la gloire de ton nom. Merci pour tout. Nous voulons que toi tu puisses te glorifier du début jusqu'à la fin. Au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons parler un peu pendant ces jours que Dieu nous a permis. Sur un sujet intitulé Kupatanishwa na Mungu. Frère Branham avait aussi prêché un message. Il a intitulé la réconciliation par la communion avec Dieu. Kupatanishwa kupitia ushirika na Mungu. Je pense que c'est dans son sujet que j'ai pris une pensée. Dieu à réconciliation. On parle un peu concernant ma patanisho ou patanisho. Na aina kitu kia kibaya ni kitu kizuri. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais par contre elle est bonne. Ni kitu kizuri sana na njo mapenzi ya Mungu. C'est la meilleure des choses puisque c'est la volonté de Dieu. Ni kila nduku na kila dada. C'est pour que chaque frère et chaque sœur. Ule arizarika pa hii dunia. Qui est né dans ce monde. Apate kujireconcilier na mumbaji wake. Il puisse se réconcilier avec son créateur. Na mumashiku yote tuko naishi nduku na dada. Dans tous ces jours que nous vivons, frères et sœurs. Na mumashiku yako yawe kupitisha pa hii dunia. Et dans ton séjour sur la terre. Mapenzi ya Mungu yulu ya maisha yako. La volonté de Dieu sur ta vie. Mungu yuko napenda kuona kila nduku na kila dada. Dieu veut voir chaque frère et chaque sœur. Akuye muali ile alikuyaka mbele ya kuanguka mshamba ya Eden. Il soit dans son état originel avant la chute dans le jardin d'Eden. Jumu ile wakati mbele ya kuanguka. Parce que avant la chute. Ali ile mtu alikuya nayo. L'état dans lequel l'homme se retrouvait. Mapatano ile mtu alikuwa nayo na Mungu. La réconciliation ou la communion qu'avait l'homme avec Dieu. Ili haribikaka wakati nzambi iringiaka. Était rompu lorsqu'il y avait le péché. Na haikukwe mapenzi ya Mungu. Cela n'était pas la volonté de Dieu. Bantu baendele kuishi mwile namna. Pour que les gens puissent continuer à vivre dans le péché. Njoko mana utaona tangia zamani. Et pourquoi vous verrez depuis longtemps. Namu mabizazi vile visha kututangulia. Et même dans les âges qui nous ont précédés. Vile Mungu anekalaka mwema na anapendaka mwanadamu sana. Comme Dieu a toujours été bon envers l'homme. Anekalaka kila mara nafanya nguvu yake yote. Chaque fois Dieu fournit son effort. Juu mtu apate kujireconcilier naye. Pour que l'homme puisse se réconcilier avec lui. C'est cela qu'a toujours été la volonté de Dieu. Parce que dans les jardins d'Eden, mon frère, nous sommes nés après la chute. Nous sommes entrés en contact avec ce monde, c'est après la chute. Et même la parole de Dieu, dans beaucoup de choses, nous les prenons après la chute. Mais cet état originel, beaucoup de gens sur la terre n'ont pas encore retrouvé cet état originel. Et la volonté de Dieu parfaite dans la vie de chaque frère et chaque soeur, c'est de retourner dans l'état originel là où l'homme et Dieu étaient en communion. Ils étaient en communion. L'homme et Dieu étaient en paix. Parce que kisha muntu kutenda zambi, après que l'homme ait péché, ile ushirika ya muntu na Mungu ilikachika. Cette communion était rompue entre l'homme et Dieu. Na kisha ile ushirika kukachika ya muntu na Mungu. Après la rupture de cette communion entre l'homme et Dieu, frère, muntu mumaisha yake bintu biote biliharibika. Toute chose était pervertie dans la vie de l'homme. Est-ce que tuko pamoja? Nous sommes-nous ensemble? Kisha tu ile ushirika ya muntu na Mungu kukachika. Après cette rupture de la communion entre l'homme et Dieu, muntu bitu biote, frère, muntu alikuwa anaharibika. L'homme était devenu pervers, corrompu. Anakuwa wa kuhangaika. Il devient maintenant errant. Anakuwa vagabond. Il devient vagabond, kawaya waya. Sasa ile hali ya vagabond, cet état là de vagabond, na ya kuhangaika, et d'agitation, na ya boka, et de peur, na ya kosa kutosheka, et l'insatisfaction. Mungu ashipendaki. Dieu n'aime pas cet état. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ashipendake kuona bake batoto mwile ari. Dieu ne veut pas voir ses enfants dans cet état. Parce que aina njo kila aliumbiaka mtu pa dunia. Parce que ce n'est pas ça le but pour lequel Mungu aliumba mtu pa dunia. Mais Dieu a créé l'homme. Ni juba kuye mu communion milele na milele. C'est pour qu'il soit en communion éternellement. Ile communion ya mtu na Mungu. Ushirika entre l'homme et Dieu. Dieu ilikuwa na mkaburia mtu salama. C'est ce qui a porté à l'homme la paix. L'homme n'était pas wakufazaika, wakuangaika. Mais leo pa dunia, frère. Mais aujourd'hui sur la terre. Leo pa dunia, dada. Aujourd'hui sur la terre. Bien que les gens s'appellent chrétiens. Mais une grande partie des gens vivent dans les troubles. Il est yote ni ma conséquence. Tout ça ni ma toke. Ya zambi. Du péché. Na aina mapenzi ya Mungu. Et cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu aina kuona bantu beko benye kuangaika. La volonté de Dieu, ce n'est pas de voir les aina gens kuona bantu beko troubles. Dans les troubles. Ce n'est pas de voir les gens. Mais la volonté de Dieu, c'est de voir chaque qu'il soit en paix avec Dieu. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? L'homme, après avoir rompu la communion avec Dieu, maisha yake, sa vie, il est arabique, frère, était devenue perverse. Il n'y avait plus rien qui pouvait lui apporter la paix. Voyez-vous, la position de chute n'est pas une bonne position. C'est pourquoi Mungu anafanyaka neema ku bantu. C'est pourquoi Dieu accorde la grâce aux autres. Il envoie des prédicateurs. Anakaburia bantu neema. Il leur accorde la grâce. Dieu a kusema kama bataichika. S'ils peuvent encore accepter. Baji réconcilier naye. Ils puissent se réconcilier avec lui. Afin de retourner la communion du début. Parce que communion na Mungu, frère. Être en communion avec Dieu, ce n'est pas être membre d'une église. Est-ce que pas nous sommes-nous ensemble? Il est communion. Kama mtu anakuwa mu communion na Mungu. Si une personne devenait en communion avec Dieu, njomu ile wakati mu roho ya ule mtu. C'est à ce moment-là dans le cœur de cet homme. Mutaingia salama. Il y aura la paix. Est-ce que tu vas moi? Kama mtu ashina na Mungu. Si une personne n'a pas Dieu avec lui. Ata kama anakawia sana mu mambo ya makanisa. Même s'il fait longtemps fréquenter les églises. Akuye prédicateur, akuye pasteur, akuye nani. Ou passer qui que ce soit. Mule muro yake mule. Mais si dans son cœur là. Eko paka mtu wa mangaiko. Il est toujours quelqu'un. Parce que muro ya mtu. Agitation. Kile kinaleteaka mtu salama. Ce qui apporte ni présence ya Mungu mu maisha ya ule mtu. C'est la présence de Dieu dans cet homme. Et c'est ça même la volonté de Dieu. Même ce soir, mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu, c'est pour que chaque frère et chaque soeur qu'il soit en communion avec Dieu. Il est arrivé. Cet état-là, lorsque c'était rompu au début, les gens étaient devenus dans les tourments. Il est mangaïko na leo pa dunia. Et cette agitation, ce tourment est encore là sur la terre aujourd'hui. C'est la vérité. Nikweli. Bantu beko nangaika. Les gens sont agités. Beko insatisfait, abana tranquille. Abato cheke. Abana salama. Ils ne sont pas en paix. Hakuna kile kiko naendeka. Il n'y a rien qui fait. Beko roho ya mtu iko paka yulu yulu. Et le cœur de l'homme est toujours agité. Liko kosa wa Mungu. C'est parce qu'il manque. Kama dunia iko kile iko leo. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Ni absence ya Mungu katikati ya banadamu. C'est à cause de l'absence de Dieu au milieu des frères. Kama Mungu anatoka kubantu. Si Dieu s'écarte des humains. présence ya Mungu. La présence de Dieu. Utashanga. Tu seras éternel. Présence ya Mungu mena toka na letaka désordre. Dès que tu n'as plus la présence de Dieu, tu auras du désordre. Atamu maisha ya bantu, atamu famille. Même dans la famille. Kama bantu abana na Mungu. Si les gens n'ont plus Dieu, beko ba désordonné. Ils sont ba kwangaika ba mangaiko. Beko na fujo. Ils sont dans les troubles. Maisha ya bwa ina musalama. Leur vie n'est pas en paix. C'est pourquoi vous allez voir les gens, bien qu'ils ont fait longtemps en écoutant la parole de Dieu. Mais comme on a regardé avec troublé. Mais si vous regardez dans leur vie, ils sont dans les troubles. Absence ya Mungu, frère. Kosewa kwa Mungu. Absence ya Mungu, dada. L'absence de Dieu, mon frère. Ni kitu kimo kibaya. C'est la pire des choses. Mais Mungu wa mumbingu. Mais le Dieu du ciel. Mukutuma baubiri. En envoyant des prédicateurs. Mukutuma neno yake. En envoyant sa parole. Eko na benda njo kujireconcilier na bantu. Il veut se réconcilier avec les humains. Les gens qui sont déchus, qui manquent encore de l'espoir, ils n'ont plus de l'espoir. Néanmoins, la volonté de Dieu, lorsqu'il croit à l'évangile, ils seront sauvés. Dieu va retourner dans sa vie. C'est à ce moment-là que la paix va retourner dans sa vie. Sans cela, hakuna kitu kitendeka. Rien ne peut marcher. Kama unangalia frère. Si vous regardez mon frère. Tangia mwakati ya Bible. Depuis le temps de la Bible. Utaona kusema. Vous allez voir que. Mungu ndio anatafutaka bantu bafanye nabo salamu. C'est Dieu qui cherche à se réconcilier avec les gens. Est-ce que nous pas moi, hein? Sommes-nous ensemble? Mais utangalia frère. Mais vous allez remarquer. Uyu Mungu wa salama. C'est Dieu de paix. Mungu mwema. Et Dieu bon. Bien qu'il anatafutaka kufanya na bantu salama. Bien qu'il cherche à se réconcilier avec les gens. Na bantu bakuye mukimoya. S'accorder avec les gens. Mais mukila génération. Mais dans chaque génération. Utavumula kusema kunekalaka kinkundi kya bantu. Vous allez découvrir qu'il y a un groupe de gens. Ile hata kama Mungu anafanya je. Peu importe ce que Dieu peut faire. Abaitika kufanya na Mungu salama. Il n'accepte pas d'être en communion avec Dieu. En paix avec Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ces gens-là existent dans toute génération. Ils existent dans toute génération. C'est-à-dire même ce soir. Dans cet rassemblement, il y a encore cette catégorie de gens. Ce sont des gens-là, mon frère. Même si Dieu changeait la façon de prêcher. Il envoie des prédicateurs venir. Il change ma forme à missionner. La forme de prêcher. Objectif ya Mungu mubiote bile nini? Le but de Dieu dans tout cela c'est quoi? Ni kujireconcilier na ule mtu mubaya. Kanisha avec ses mauvais. Kama anaweza kuitika. Si le peut accepter. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mais mukila nyakati. Mais dans chaque génération. Munekalaka bantu. Il existe. Peu importe bile Mungu anaweza kufanya. Peu importe ce que Dieu peut faire. Ma intervention yote Mungu anaweza kufanya. Peu importe toutes tes interventions. Tu ramener ule mtu ku réseau. Tu ramener ces gens là. Afin que bafanye naye salama. Afin qu'ils puissent vivre. Mais il y a des gens qui n'acceptent jamais. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Comment mon tout frère? Comment expliquer qu'une personne, mon frère, anaweza kukatala kujireconcilier na Mungu? Peut refuser de se réconcilier avec Dieu. Ah frère. Hein, ndugu yangu. Mungu. Dieu. Ni Mungu wa salam. C'est un Dieu de paix. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ni Mungu le mwenye kuya na avenir ya kila mtu mu mikono yake. C'est un Dieu qui a l'avenir de tout et chacun de nous entre ses mains. Ni Mungu ule anekalaka mkulefushiana mashiku. C'est un Dieu qui peut encore nous prolonger les jours. Ni Mungu ule anaweza kufupisha mashiku ya. C'est un Dieu qui peut encore écourter tes jours. Ni Mungu ule anekalaka mkubariki bantu. C'est un Dieu là qui bénit les gens. Ni Mungu ule anakaburiaka bantu salama. C'est un Dieu qui accorde la paix. Ni Mungu ule analeta ku bantu matunzo. C'est un Dieu qui accorde la guérison. Ni Mungu tellement mwema. C'est un Dieu qui qui sécurise la vie. Mais comment expliquer qu'une personne peut refuser de s'accorder avec un tel homme, un tel Dieu? Ne regarde mon frère. Des gens pareils existent sur la terre. Ces choses, nous les voyons même dans ce monde, même dans des différents pays. Il y a une catégorie de gens. Il n'y a pas moyen de les faire réconcilier. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans ce monde ici. Il y a une catégorie déjà même dans des différences sur la terre. Il est très différent. Là où les choses ne marchent pas. Afin de s'accorder pour bien marcher avec nous. Il y a des gens qui sont difficiles. Ces gens-là ont existé même du temps de la Bible. Sommes-nous ensemble? Si vous regardez la génération de ces gens-là, ils viennent de la lignée de Caïen. Ce sont des méchants. La Bible les appelle Batu Baba et Abakaïdi. Ils n'aiment pas Kupatanishwa. Peu importe ce que Dieu peut faire pour qu'il puisse te déraciner de la mort, qu'il te déracine de la mort, mais celui-là refuse toujours. C'est un méchant. Nimutu Mubaya. Ba méchant be kwa ko frère. Les méchants existent, mon frère. C'est pourquoi tellement compliqué. C'est pourquoi nous vivons dans un monde qui est tellement pervers. Comment expliquer qu'une personne qui refuse de se réconcilier avec un Dieu pareil? C'est Dieu-là qui veut que vous puissiez vous accorder avec lui. C'est lui le propriétaire du ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est un Dieu. Si vous vous accordez avec lui sur la terre, même si tu meurs, c'est même Dieu là, tu seras avec lui. Si tu t'accordes avec lui, ta vie, l'avenir de ta vie devient maintenant katika ukingo, en sécurité. Comment est-ce expliquer que cette personne refuse de se réconcilier avec ce Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas tuer ces méchants. Ces choses, nous les voyons même dans ces moments. Vous allez voir quelqu'un qui entre en conflit avec son frère. Qu'il pleut ou qu'il neige, je ne m'accorderai jamais avec lui. Tu es un Caïen. Tu es Mutumbaya. Peu importe tout ce que les gens peuvent faire, Dieu a vous réconcilier. Mais avec toi, ça ne va Dieu pas. Tu es Mutumbaya sana. Tu es un méchant. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Les enfants de Dieu n'ont pas cette nature-là. En eux, cette nature n'existe pas. Parce que même les enfants de Dieu existent dans la réconcilier. Ce sont des gens qui sont faciles à réconcilier. Même s'il était Mukosa, si vous nous présentez la parole de Dieu, il est prêt de reconnaître ce que Dieu dit. C'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent dans chaque génération. Peu importe qu'il soit tombé, il commence à marcher dans la salle. Mais si vous lui présentez l'évangile, il est en mesure de lui ramener à la raison. C'est comme ça que les chrétiens se comportent. Mais comment expliquer que toi, jusqu'à aujourd'hui, l'évangile est encore prêché, ça a échoué de te réconcilier avec Dieu. Tu es Mutumbaya, tu es méchant. Tu es tellement méchant. C'est la vérité. Ni kweli. Tu es un méchant, mon frère. Tu es tellement méchante, ma soeur. Si Dieu veut te réconcilier, kukupatanisha. Regardez, mon frère. Si nous commençons maintenant à parler concernant la réconciliation, c'est-à-dire pourquoi ma kokotano y a des conflits. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Kurikuya conflit quelque part. Y a eu ma kokotano face fulani. Ma relation a ikukui était na bien. Les relations n'étaient plus bonnes. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Comment ma relation a été na bien? Si les relations n'étaient plus bonnes, munakuya mu ma kokotano. Vous devenez en conflit. C'est-à-dire vous n'êtes pas en paix. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ni où les mots toi n'ajikuta? C'est cette personne qui se retire. Ma relation yake. Ces relations. Aina tena bien na Mungu. Avec Dieu ne sont plus correctes. Barikuya musalama. Ils étaient en paix. Mais apa bana tena musalama. Maintenant là ils sont plus en paix. Est-ce que Sommes-nous ensemble? Voilà la personne qu'il faut réconcilier. Ça demande que cet homme-là puisse vouloir d'abord. Dans la marche des chrétiens, mon frère. Dans la marche des chrétiens, ma soeur. Nous ne marchons pas comme des insensés. Que Dieu vous bénisse. Dans ce voyage, si ma relation avec Dieu n'est plus correcte, je le saurai. Mais toi, tu ne le sais pas. Pourquoi. Comment as-tu cru? Si moi et Dieu, nous ne sommes plus en paix, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais le reconnaître. Je le saurai, mon frère. Et si nous ne sommes plus en communion avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je sais ma position avec laquelle je marche avec Dieu. Tout enfant de Dieu véritable, il sait comment il marche avec son Dieu. C'est la vérité. Nikweli. Maintenant, Dieu envoie son évangile. Il envoie des prédicateurs. Mission ya prédication. Ou patanish à toi avec ton créateur. Ma relation yenu aina bien. Vos relations ne sont plus bonnes. Comment est-ce que tu marches? Si toi et Dieu, vous n'êtes pas en bonne relation, comment est-ce que tu marches? Parce que dans l'église, les gens t'aiment. Et les gens te considèrent comme précieux. Tu as de la valeur dans cette église. Et les gens te connaissent. Maintenant, ma relation avec Dieu. Comment sont tes relations avec Dieu? Vous commencez maintenant à poser des questions sur les relations. Oui, c'est dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai commencé à prêcher. Je ne sais pas par où j'ai commencé. Non, mon frère. Non. Dans la parole de Dieu, c'est comme ainsi. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prétendre. J'avais prêché frère, un message intitulé présumé. C'est s'aventurier. Est-ce que tu es sommes-nous ensemble? Tout véritable enfant de Dieu, dans ce domaine spirituel, il doit savoir chaque étape qui marche avec Dieu. Sommes-nous ensemble? S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, sa relation avec son Fils, il doit le savoir. Si tu ne le sais pas, comment est-ce que tu vas chercher Dieu? Comment vas-tu chercher Dieu? C'est-à-dire, toi, tu marches seulement en désordre. Non, mon frère. Nous ne marchons pas. Si les choses ne sont pas correctes, je serai vraiment dans l'agitation jusqu'à ce que nos relations soient correctes, rétablies. C'est à toi d'examiner. Tu as quel genre de relation avec Dieu aujourd'hui? Regarde, mon frère. Tu es en conflit avec Dieu. Vous n'êtes pas en bonne relation avec lui. Mais tu continues à chanter à la chorale. Je ne sais pas, tu chantes pourquoi là-bas. Tu n'as pas de bonne relation avec Dieu. Tu sais que tu n'es plus en bonne relation avec Dieu. Même si tu fais semblant, mais dans ton cœur, tu le sais néanmoins. Tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Mais tu es à l'aise, insouciant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même si nous, on t'apprécie. Pasteur, on et que les pasteurs t'apprécient. Ancien, l'ancien aussi t'apprécient. Tout le monde ici t'apprécie. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'exaucer ta prière. Est-ce que vous me suivez? Il n'y en a aucun. Il n'y a pouvoir d'exaucer ma prière. Maintenant, examine. Tu as de bonnes relations avec les avec tous les prédicateurs des autres enfants. Mais ma relation y a mais tes relations avec Dieu, comment sont-elles? Dieu question il. C'est ça ou l'ISO. Pourquoi on a frère? On en a. Regardez. Montu. Un homme. Iko muzuri mukanisa humu. Otamie que dans cette église. Oshiku ata na keo kimoya. Que tu n'aies même pas un titre quelconque. Qu'on ne te connaisse même pas à l'église. Les hommes dans l'église, même s'ils veulent faire des manifestations, on ne se souvient même pas de toi. Ce n'est pas grave. Mais si tu es en bon terme avec Dieu, tu dépasses tous ces aventuriers que nous avons. Sommes-nous ensemble? Ne sois pas vraiment inquiet. Moi, ne me considère pas. Regarde mon frère. Ça, ce n'est pas une inquiétude. La préoccupation d'un enfant de Dieu. La préoccupation d'un enfant de Dieu. Protéger ma relation avec Namungu. C'est de protéger ses relations avec Dieu. Sommes-nous ensemble? Maintenant, ce soir, mon frère. Ce soir, ma soeur. Regarde le statut que tu as à l'église. Bien habillé. Témoignage que tu es bien. Ushuda devant les gens. Correct. Maintenant, ma relation avec Namungu. Comment sont tes relations avec Dieu? Comment sont tes relations avec Dieu? Regarde, mon frère. Toi et Dieu aujourd'hui, vous êtes en conflit ou makokotano. Ma relation hier a ina bien. Tes relations là avec Dieu, c'est pas correct. Lorsqu'une personne n'a pas de bonnes relations avec Dieu, hypocrite. Il reste munafiki tu mutu. Mwile ari ile wiko. Dans cet état là où tu te retrouves. Si aujourd'hui tu mourais. Ndio tufike kukibuku maiti. Et qu'on vienne devant ta. Azema, oui, dada. Ton corps là qu'on dise, oui, frère. Ses frères ici. Arikuya tellement mon Christ mwenye kujitosa. Il est un chrétien fermi. Il a nichi tunasemak. Là c'est nous qui allons dire. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Mais ouais, pas là qu'on a ici. Mais toi lorsque tu vis. Unajua kule konaenda. Tu connais là où tu vas. Est-ce que tu vas moi? Sommes-nous ensemble? Unajua kule konaenda. Tu connais là où tu vas. Léoï, frère. Aujourd'hui. Léoï, dada. Aujourd'hui ma sœur. Ma relation yako na Mungu haina bien. Mes relations avec Dieu ne sont pas correctes. Est-ce que ça sera correct seulement lorsqu'on va te mettre dans les cercueils? Hein? Hein? C'est alors que tes relations seront correctes? Apana, frère. Non, mon frère. Apana, dada. Non, ma sœur. Un enfant de Dieu ne peut pas se conduire ainsi. Dis-moi si Dieu, vous n'êtes pas en paix avec lui. Tu es alors en paix avec qui? Pose-toi cette question. Toi, tu es en paix avec qui? Ça, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici perdre le temps inutilement. Ou c'est comme l'habitude de venir au tabernacle chaque mardi, soir, mercredi soir. Ce monde ici, je vous ai dit ça, il y a beaucoup de surprises que ce monde me réserve. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Ne crois pas que les prédicateurs sont des touristes. Où ils cherchent à se faire de nous. Si ce n'est pas la charge que Dieu a faite, chaque frère, chaque soeur, il doit examiner ses relations avec Dieu. Et de savoir ces relations que tu as avec Dieu, où est-ce que vous en finirez avec? Où est-ce que vous allez finir? Toi-même, tu n'es pas en paix avec Dieu, tu n'es pas encore en paix avec les frères, tu n'es pas en paix avec les sœurs. Et alors, comment est-ce que tu vis? Donc, un chrétien, mon Christ, rester avec des différents conflits avec des gens, ça peut même lui piquer la crise cardiaque. C'est la vérité. Bon, comment est-ce que tu vas supporter tous ces poids là? Comment toi tu continues à les supporter? Tu es Mutumba, tu es un méchant. Tu es en conflit avec des gens. Tu es en conflit avec des voisins. Beaucoup de gens. Ensuite, tu es encore en conflit avec Dieu. Même à l'église, tu continues à venir. Non. Tu es un méchant. Arrête. Tu es un méchant. Comment expliquer que tu peux vivre dans cette façon? Oui, frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Angaria, frère. Examine, mon frère. Regarde, mon frère et ma soeur. Un véritable chrétien, il ne voudra jamais que la paix puisse le quitter. Est-ce que tu pas moi, nous sommes-nous ensemble? Un véritable enfant de Dieu. Il ne voudra jamais vivre. Mais salama ina mutoka muro. Et qui n'a pas de paix dans son cœur. Il ne peut pas rester tranquille et il reste dans l'agitation. Comment est-ce que toi tu supportes? Non, mon frère. Regardez d'abord dans cette église ici. Avant de parler sur ta communion avec Dieu. Est-ce que tous ces frères et toutes ces sœurs ici, vous êtes en paix avec eux? Tes voisins là, êtes-vous en paix avec eux? Ta belle famille, vous êtes en paix avec eux? Voyez-vous, dans cette Bible, il y a une écriture qui dit, si dans ce monde ici, s'il y a même une seule personne avec qui vous n'êtes pas en paix, tu n'iras jamais au ciel. Savez-vous cette écriture? Que Dieu vous bénisse. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est-à-dire dans son cœur, il doit tellement s'efforcer. Il n'est même pas un seul conflit avec une seule personne. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu se comporte. Attendez, je vais vous lire cette écriture. C'est l'écriture que vous connaissez tous. Peut-être c'est la manière seulement de l'expliquer que ça essaie un peu de vous échapper. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 12. Wa Ebrania sura ya 12. Verset 14. Mustari ya 14. Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Tafutisheni salama na bantu bote. Et la sanctification. Na utakaso. Sans laquelle, bila yayo, personne ne verra le Seigneur. Hakuna mtu atamoyo la tamona Mungu kama ana na hii. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Biblia, la Bible, salam, à ce qui concerne la paix, c'est-à-dire rechercher tellement la paix, c'est-à-dire c'est fournir un effort. Kama una musalama na muntu hata moja. Si tu n'es pas en paix avec une personne, c'est-à-dire il y a une personne avec qui vous n'êtes pas en paix, lorsque tu vis encore, fais tout ton effort. C'est ce que la Bible dit. Recherchez. Tafutisheni. C'est rechercher avec tout ton effort. Salama na muntu yote. La paix avec tous. Bila ile. Sans cela, akuna ule ataona Mungu. Personne ne verra le Seigneur. Dans cette affaire, ça ne concerne pas seulement de prêcher. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Dans cette affaire, il est question de chaque frère et chaque soeur s'examiner. Si tu t'examines dans le monde entier, avec qui est-ce que je suis en conflit? Celui-là pour qui je garde rancune. C'est qui? Parce que si je garde rancune contre une personne, la Bible me dit, je ne verrai pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, si tu n'es pas en paix avec tous, et être en paix avec Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Il est encore un pécheur. La destinée yako est comme kupoteya. Et ma koya yako ya mwisho, c'est la perdition. Est-ce que tu vas moya? Nous sommes nous ensemble. Comment Mungu va nous exiger? Si Dieu nous exige, on a tout l'azimut. De rechercher la paix. Yako tafutisha salama. C'est là où on a un frère. C'est-à-dire vous allez voir un frère. Mule mundani ya roho yako. Au fin fond de ton cœur. Auna naye ataka tie. Tu n'as même pas un petit rien là. Des conflits avec lui. Tu regardes la soeur. Au fond de ton cœur là-bas. Il n'y a même pas de miettes de conflit contre lui. S'il y a quelqu'un que tu critiques, tu es en conflit avec lui. Sommes-nous ensemble? Maintenant, l'évangile est prêché. C'est pour que chaque frère et chaque soeur se réconcilie d'abord avec ses frères. Ensuite, qu'il vienne se réconcilier avec Dieu. C'est ça la raison de prêcher ce message. Ce qui brise la communion entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Sommes-nous ensemble? C'est le péché, mon frère, c'est le péché, ma soeur. C'est comme ça qu'a été même au jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont commis le péché, Dieu les a abandonnés. Ils sont restés bakawaya waya. Que Dieu vous bénisse. Regarde mon frère. Aujourd'hui, bien que tu aies dans ma présence, si la présence de Dieu n'est pas dans ta vie, mais ce soir, malgré que sache que tu es un vagabond. Ta vie n'est pas stable. Nous avons vu des gens qui ont fait longtemps dans ces messages. Des années. Mais ils sont rentrés dans la dénomination. Que Dieu vous bénisse. Ils sont devenus prédicateurs là-bas. Il ne faut pas se jouer avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, il y a un péché, la présence de Dieu n'y est pas alors. Présence de Dieu n'est pas là. Comment est-ce que tu parviens à vivre? Comment est-ce que tu vis, mon frère? Ma soeur, explique-moi, comment est-ce que tu vis? Tu n'es pas en communion avec Dieu. Alors, comment expliquer que tu vis? C'est pourquoi aujourd'hui tu taxes des gens, des sorciers. Un peu de problème, on a dévoré quelqu'un par les sorciers. Aujourd'hui, dans les messages, il y a des langages qu'on n'a jamais entendus. Si vous regardez ces gens qui les disent, qui ont de tels propos, des anciens. Oh, on l'a bouffé par les sorciers. On l'a bouffé bien avant. C'est par manque de Dieu. Vous voyez, manquer Dieu, c'est vraiment une malédiction. Si les gens n'ont pas Dieu, sachez que les choses vont aller de mal en pire. C'est la vérité. Nikweli. Absence ya Mungu frère ni kitu kimokibaya. Kosewa Dieu c'est une mauvaise chose. Na leo angalia banduku mingi na badala mingi. Même aujourd'hui, regardez, il y a beaucoup de sœurs. Aujourd'hui. Ba mingi abaombake tena. Nombreux ne prient plus. Leo. Aujourd'hui. Ba mingi abaombake tena Mungu. Nombreux ne prient plus. Beko mkanisa humu. Ils sont dans cette église. Hii mimi niko naita prière. Ce que moi j'appelle prière. Inachana pengine na vile mwe mnaona. C'est différent de votre façon là de voir. S'agenouiller, s'incliner, commencer à parloter. Ce n'est pas ça la prière. Prédicateur, c'est quoi alors? Quelqu'un peut venir s'agenouiller ici. Il s'agenouille. Vous allez croire qu'il prie. Pendant qu'il est déjà à Lubumbashi au supermarché. Vous allez me dire que cet homme-là est en train de prier. Prière, Kuomba, c'est causer avec son créateur, parler à son créateur. Comment expliquer que tu peux parler à ton créateur? Mais ta pensée est sur la robe que tu as vue. Ta pensée est allée sur les pannes que tu as vu, en train de parler à ton déjà Dieu. Mais tu es déjà la cuisine. Même comment est-ce que tu vas arranger les salons? Dis-moi, ça aussi c'est une prière. Churone. Voyez-vous? Aïna, ce n'est pas seulement le fait de s'agenouiller. Nécessairement, comme un mouton à Naïna, certainement de prier. Non! Nombre ici de frères et de sœurs ne prient plus. Regardez mon frère. Lorsqu'une personne n'est plus en communion avec Dieu, il ne va plus prier. Je l'ai dit avec expérience. Lorsqu'une personne n'est plus en communion avec Dieu, tous ces actes qu'il pose religieux, ce sont des faux actes. Lui-même là il est. Même s'il chante. Même s'il prêche. Quoi qu'il fasse. Conscience yake. Au fin fond de sa conscience. Tu n'es pas en paix avec Dieu. Sa conscience le reproche que auna tena musa wana Mungu. Que Dieu vous bénisse. Et si tu n'es plus en paix avec frère, Dieu, kuomba utashinda. Prier, tu ne sauras pas. Utashinda, frère. Tu ne sauras pas prier. Même donner quelque chose à quelqu'un. Vous voyez bien, frère. Suivez-moi bien. Voyez-vous, lorsque quelqu'un fait quelque chose en aventure, parce que donner quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas question d'avoir des moyens. Sommes-nous ensemble? Quelqu'un peut faire des aventures, peut donner des choses. Les mêmes choses là qu'il donne aux gens. Lui, il donne pour paraître. Derrière lui, il critique encore les gens là qu'il a offert des choses. Est-ce que tu comprends? Nous sommes-nous ensemble? Frère, comment on a monté? Si vous voyez quelqu'un qui donne avec tout son cœur, c'est parce que dans sa vie, il y a encore la présence de Dieu. Sommes-nous ensemble? Si la présence de Dieu quittait les gens, les hommes, ils deviennent maintenant charnels. Ils peuvent même tuer. Ils peuvent voler. Ils peuvent faire tous les actes sataniques. Si Dieu n'est plus avec eux, lorsque Dieu te quitte, c'est fini, toute chose s'est pervertie. C'est pourquoi l'évangile est encore prêché aujourd'hui. C'est pour que chaque frère et chaque soeur se réconcilie avec son créateur. Il peut se retourner à la communion qu'on avait depuis le début. Plutôt que de rester dans cet état. C'est la vérité. Nikweli. Frère Branham, qu'on explique. Donc Branham m'explique. Anasema. Il dit. Lorsque Adam et Ève ont commis les péchés, ils ont brisé la communion qu'ils avaient avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Savez-vous, la faute d'Adam et Ève, c'était le péché d'adultère. Ils n'étaient pas des voleurs. Ils ne critiquaient pas les gens. Il ne méprisait pas les gens. Et faire des choses en cachette comme toi tu les fais là. Mais frère Branham, frère Branham dit, après avoir commis les péchés, ils ont brisé la communion qu'ils avaient avec Dieu. Frère Branham explique dans la communion, il dit, la communion signifie ushirika manake, parler à quelqu'un qui vous répond. Est-ce que nous sommes ensemble? Communion. Ushiriki. Aina hii ba katoliki banafanyaga ya kwenda kula mikate. Ce n'est pas ce que les catholiques font. Kama mtu anasema niko na mtu mkomunion. Lorsque quelqu'un dit qu'il est en communion avec quelqu'un. Nikusema mimi niko na mkamatiria mambo. Moi je lui parle. Na yeye kona nijibu. Lui aussi me répond. Maintenant kama wewe. C'est changé avec une personne. Si toi. Kama wewe. Si toi. Tu ya bile unafanya. À cause de ce que tu fais. Unavunja ushirika na Mungu. Tu brises la communion que tu as avec Dieu. Mais unekala mkusumuliana nani? Avec qui est-ce que tu vas t'échanger? Ujulize frère. Pose-toi la question. Njoko naona mtu anashivama. Vous allez voir quelqu'un qui se tient là. Frère, tu dois faire une prière. Frère, nous allons d'abord faire une prière. Wache vitu vya pharisiens. Arrêtez les choses des pharisiens. Que Dieu vous bénisse. Vous il a besoin de prier maintenant. Il faut que tout le monde les sente qu'il prie. Arrêtez des aventures. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un domaine très sensible, spécial. Que ce que les gens, les dénominations, l'ont imité, vous pouvez pas. La parole de Dieu est véritable. Vous pouvez être devant Dieu. Tu lui parles pas comme une personne que tu parles. Au lieu de faire des grimaces devant les gens. Sommes-nous ensemble? Ça, ce sont les esprits. Vous allez voir, avant de prier, il commence à faire des gestes. Il fait des grimaces. C'est quoi ça? Si je prie Dieu, c'est ce qui peut faire. Il faut pas que je fasse ma grimace. Il faut que je fasse. Alléluia. Alléluia. Alors, à ce moment-là, Dieu peut écouter. Dieu est très sensible de plus que même nous, les humains. Sommes-nous des fois, les situations peuvent se compliquer. Vous allez voir la personne. Il ne prie même pas, mais Dieu exauce seulement, jusque dans sa pensée. C'est que je vous dis, Nicoli. Pourquoi faire des grimaces? Nous, nous sommes des chrétiens. Nous connaissons ce Dieu-là qui nous a appelés. Et nous connaissons comment est-ce que nous marchons. Nous connaissons comment est-ce que nous lui demandons. Il ne faut pas faire des grimaces. Dans l'affaire de Dieu, il faut être seulement en communion avec lui. Si tu es en communion avec Dieu, mon frère, ta prière, tu ne seras pas agité. Tu ne seras pas agité. Les agitations et d'autres formes qu'on voit aujourd'hui. Commence d'abord par taper les mains. Prier. Commence d'abord par taper. Très fort. Oh, brûlons les choses. Brûlons Satan. Aventure. Ça, ce sont des aventures. Ce sont des aventures, Ndoku. Arrêtez des grimaces dans la de il faut pas ma grimace. Vous parlez de arrêtez des grimaces, nous connaissons Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons ce qu'il faut faire. C'est pourquoi un enfant il ne cherche pas à faire des grimaces, mais il cherche à être en communion avec ce Dieu-là. Voilà la chose qu'il cherche. Jour et nuit. Et si nous prêchons ici, mon frère, nous prêchons ici, ma soeur, ce chaque frère et chaque soeur qui se réconcilie avec son créateur. Ma relation avec mon frère. Tes relations avec toi, mon frère, avec Dieu. Ma relation avec mon dada. Tes relations, toi, ma soeur. Est-ce que vous avez une relation bien? Et tu vois une bonne relation avec Dieu, là où tu es. Est-ce qu'on peut t'amener un enfant qui a la fièvre et que tu peux lui imposer les mains? Hein? Nous vivons dans un temps, mon frère. Il y a beaucoup de témérité. Si ce n'est pas correct, ça ne sert à rien d'imposer les mains. Sommes-nous ensemble? Les aventures dans les affaires de Dieu. Allez, oui, frère. Là où tu es, oui, mon frère. Là où tu es, ma soeur. Est-ce que tu peux prier? Ma relation yako. Tes relations à toi, avec Dieu. Comment sont-elles? Pose-toi la question. Parce que bientôt là, je vais arrêter. Ma relation avec mon Dieu. Tes relations avec Dieu, comment sont-elles? C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur, lorsque l'évangile est encore prêché, Paul nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. Mupatanishwe na Mungu. Retournez la communion que vous avez. Là où tu t'as généré. Tu as la certitude. Sommes-nous ensemble? Tu es certain. Lorsque quelqu'un est en communion avec Dieu, s'il prie, que Dieu vous bénisse. Si cette personne l'a prié, là au fin fond de son cœur, il y a une conviction que personne ne peut pas lui enlever. Et cette conviction lui dit, ce que tu as demandé, certes Dieu va l'exaucer. Sommes-nous ensemble? C'est comme ça que les choses de Dieu se passent. Maintenant, toi, examine tes relations que tu as avec Dieu. Tu vis une très mauvaise vie. Tu critiques des sœurs. Il y a des sœurs avec qui tu ne te parles pas. Dans ces messages, il y a des gens qui ne se parlent pas. Tu as quel genre de démon, toi? Et même dans cette église, qu'est-ce que tu es venu faire? Tout ce que notre pasteur Ngoya a toujours prêché. Ancien a prêché. Et il y a même des prêcheurs. Ça a échoué de te réconcilier avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, que tu aies des ennemis dans cette église, tu es un méchant. Tu es, pourquoi es-tu méchant ainsi? Même aujourd'hui, tu viens encore décréter. Un enfant de Dieu véritable. Il ne supporte pas d'être en conflit avec Dieu. Ou d'être en conflit avec Dieu. C'est la vérité. Nikweli. Regardez Abraham qui est notre exemple. Lorsqu'il y avait des conflits entre les bergers, il a appelé son frère Lot. Il lui a dit, mon frère, entre toi et moi, qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que nous sommes des frères. Mais toi, tu es en conflit avec des frères. Nous nous demandons, est-ce que c'est cette sœur que Jésus-Christ avait dit de nous donner? Parce que Jésus-Christ a dit, je vous donnerai des frères. Des frères comme toi là. Des sœurs comme toi. Pourquoi on en a ouais? Pour te réconcilier na Mungu. Ya kupatanisho avec Dieu. Tu es un méchant. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Mettons-nous debout pour la méditation. Ce message n'y a que patanishwa. Chaque frère et chaque sœur. Il doit examiner ses relations avec Dieu. Ma relation qu'on a eu bien na ikanisa. Tes relations que tu as avec cette église. Il y a de bonnes relations avec cette église. Là, je ne refuse pas. C'est vrai. Il y a de bonnes relations avec des prédicateurs. Ce n'est pas mauvais. Mais là, comment sont tes relations avec Dieu? Si ce n'est pas correct, arrange, répare. Prions tous ensemble.